Nous sommes dimanche le 14 mars 2021. Bienvenue à cette édition de la mi-journée. Mais voici d'abord l'essentiel. Désolation des cultivateurs exerçant les activités agricoles sur le littoral de la rivière Mandassi, reliant les communes Kayanza et Gatara de la province Kayanza suite aux eaux de cette rivière qui se déverse dans les champs et endommage une grande partie de la culture du haricot qu'ils avaient cultivé en bloc. Et dans le domaine de l'éducation, environ 10 000 salles de classe sont en mauvais état et à peu près 650 en très mauvais état dans tout le pays. Et après ce constat, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, Gaspard Banyangimbona, demande l'intervention du chef de l'État pour la réhabilitation de ces salles de classe. Et vers la fin de ce journal, vous aurez droit à la chronique nutrition sur les conséquences liées à la consommation excessive de l'huile. Eli Kadog assure la mise en onde et la présentation. Vous êtes avec Ornella Mucho. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page éducation. Pour débuter ce journal, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique parle d'environ 10 000 salles de classe en mauvais état et d'à peu près 650 salles de classe en très mauvais état dans les écoles de tout le pays. Ainsi, il demande l'intervention du chef de l'État dans l'obtention des moyens de réhabilitation de ces salles de classe vétustes. Le ministre Gaspard Banyangimbona a tenu ses propos ce samedi en commune de Bugendana, province Gitega. C'était lors des cérémonies d'inauguration du lycée technique Pierre Mounoudida de cette commune. Suivez-les, il est au micro de Gérard Nibigira. Umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ubushyikiranganji bw'indero bwarakoze icyigwa aho bwagomba kumenya ingene inyubakwa zikwiragiye z'amashuri mu gihugu zifashe kugira ngo en 2018 le ministère en charge de l'éducation nationale a fait une étude pour se rendre compte de l'état de lieu des infrastructures scolaires dans tout le pays afin de savoir ce qui doit être fait pour que les enfants du Burundi étudient bien. À propos des salles de classe, nous avons trouvé que 33,4% des salles de classe sont en très bon état, c'est-à-dire à peu près 15 000 salles de classe. Nous avons aussi remarqué que 43,37% des salles de classe sont en bon état, soit environ 18 000 salles de classe. Nous avons constaté aussi que 22% des salles de classe sont en mauvais état, soit à peu près 10 000 salles de classe. Enfin, environ 1,5% de salles de classe sont en très mauvais état, soit à peu près 650 salles de classe. Il est donc évident que dans l'ensemble, il y a encore à faire. Ainsi, Excellence, Monsieur le Président, soyez à nos côtés pour que soient rendus disponibles les moyens de réhabilitation de ces salles de classe vétustes qui empêchent nos enfants d'étudier dans de bonnes conditions. En outre, que d'autres objets scolaires, dont les bancs pupitres, les manuels scolaires, les bibliothèques, les laboratoires et leur matériel ne continuent pas à être un obstacle d'atteindre un enseignement de qualité que nous souhaitons à tous les éduqués du pays. C'était le ministre de l'Éducation, en charge de l'Éducation, Gaspard Banyangimbona. Il a été traduit en langue française par Gérard Nibigira. Toujours page éducation. Le gouverneur de la province Ngodi demande aux responsables de l'éducation plus d'encadrement des élèves allant dans le sens du patriotisme. Epipode Balanyikwa le dit après avoir constaté que durant l'hymne national, lors des cérémonies publiques, des bourdonnements et mouvements des élèves au stade sont monnaie courante. Il conseille au directeur plus d'efforts pour que ce comportement ne se répète plus lors des prochaines festivités publiques. Le point avec Apollinaire Mozagala. Le gouverneur de la province Ngozi parle d'un comportement inadéquat chez les jeunes lors des fêtes publiques. Les élèves poursuivent leurs occupations, circulent comme ils veulent, jouent dans le stade et font même beaucoup de bruit alors que l'hymne national retentit, déplore-t-il. Même comportement selon lui lors des prières œcuméniques interconfessionnelles dans les cérémonies publiques quand le pasteur prêtre Zécher prie pour le Burundi et le Burundi, le gouverneur de la province Ngozi, s'inscrit en faux aussi contre le fait que ses élèves rentrent aussitôt après le défilé, avant l'allocution du jour, alors qu'elle contient, selon lui, d'importants messages leur destinés. Et puis Paul de Baranyikwa demande au directeur provincial de l'enseignement, au directeur d'écoles et enseignants, plus d'encadrement afin que ces jeunes respectent les insignes et emblèmes de l'indépendance du Burundi. Son souhait est que son comportement cesse pour les prochaines cérémonies publiques à caractère national. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Isanganiro. À 13h dans les studios de la Radio Isanganiro, poursuivons ce journal par la page politique. Certaines confessions religieuses œuvrant en province Bururi menacent d'excommunier certains de leurs fidèles employés à la commission Vérité et Réconciliation s'ils ne renoncent pas à leurs tâches. Ambassadeur Pierre Claverney Chalier, président de la CVR, qui le dit, assure ses employés que bientôt ces confessions religieuses seront ramenées à la raison selon lui et sont incompétentes à prendre de telles mesures. Les détails avec Jean-Pierre Messago. Certains parmi les ouvriers de la commission Vérité et Réconciliation, CVR en sigle, employés dans l'exhumation des restes humains des victimes de la crise de 1972 au Burundi, sont ceux-là que certaines confessions religieuses voudraient qu'ils abandonnent cette tâche en province Bururi, à défaut de quoi ils risquent l'excommunication, comme le dit ambassadeur Pierre Claverney Ndayicariye, président de cette commission. Sans révéler leur identité, le président de la CVR dit qu'elles sont déjà connues et le ministère ayant la gestion des confessions religieuses dans ses attributions déjà saisi sur ce cas va s'en charger car selon lui, ces confessions religieuses ont outrepassé la loi. Le président de la CVR répondait aux questions des étudiants de l'Université des Grands Lacs, campus Kirimba Sud, et celles des autres participants dans une conférence et débat de la CVR à Kirimba Sud ce jeudi soir. Jean-Pierre Misago, depuis Kirimba Sud, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Rendons-nous à présent à Lutana. Les membres de différents partis politiques opérant en commune et province Lutana cohabitent pacifiquement après les élections de 2020. Affirmation de l'administrateur communal Eric Naimera fait savoir quelle heure est aux travaux de développement à travers des coopératives. Cette autorité communale ajoute que ces groupements sont faits pour tout le monde sans distinction aucune. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. Après les élections de 2020, les partisans des partis politiques différents cohabitent en bonne et due forme. Nous n'avons pas reçu l'une ou l'autre personne qui dit que quelqu'un lui a fait mal pour cause de quoi il est de tel ou tel parti politique. Après aussi les élections de 2020, les partisans des partis politiques sont dans des travaux quotidiens et les travaux qui les renvoient au projet de développement. Il y a des coopératives qui se développent à travers le pays, mais il y a des membres de certains partis politiques qui disent que seuls les membres du parti au pouvoir sont dans ces coopératives. Que répondez-vous? Ceux qui disent que ce sont les membres du parti qui sont au pouvoir et qui sont dans ces coopératives, ce n'est pas une réalité. Et à Kayanza, les cultivateurs exerçant leurs activités agricoles sur le littoral de la rivière Mandassi-Rolion, les communes Kayanza et Gatala de la province Kayanza disent être dans une situation de solitude et de détresse. Ils indiquent que les eaux de cette rivière se sont déversées dans les champs, endommageant ainsi une grande partie de la culture du haricot qu'ils avaient cultivée en bloc. La direction provinciale en charge de l'agriculture et de la protection de l'environnement demande à ces cultivateurs de semer de nouveau leurs champs au plus tard ce lundi, surtout les cultures à courte durée. Les détails avec Patrick Saint-Guillaume. Les champs agricoles du marais de la Mandassi où étaient cultivés en bloc et la culture des haricots sont aujourd'hui couverts de déchets composés essentiellement d'herbes mortes et d'autres immondices y déposées par les eaux de la rivière Mandassi qui s'est déversée dans ces champs ces derniers jours après avoir emporté cette culture des haricots. Certains des agriculteurs exerçant leurs activités agricoles sur le littoral de la rivière Mandassi rencontrés dans leurs champs nous ont indiqué qu'ils étaient en train de labourer de nouveau pour semer encore en répondant massivement à l'appel des administratifs et du bureau en charge de l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement en province Kayanza. D'autres nous ont précisé que les jeunes de cette même rivière avaient aussi enlevé les limites qui servaient de bornage pour leurs propriétés foncières et qu'il est aujourd'hui difficile de distinguer la superficie des unes et des autres. Ces agriculteurs victimes des inondations de la rivière Mandassi demandent à l'administration et à toute autre âme charitable de leur venir en aide, arguant que même s'ils cultivent de nouveau, ils ne s'attendent pas à un bon rendement agricole, étant donné que la saison pluvieuse ne tardera pas longtemps. Adeline Onsaba, directeur au bureau en charge de l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement en province Kayanza, demande à ces agriculteurs de semer les cultures à courte durée. Nyandi Jiribe, administrateur de la commune Kayanza, de même que Gakuyano Sylvane, administrateur de la commune Gatara, informe à ses agriculteurs que leurs questions ont été soumises à pas mal de bienfaiteurs pour que ceux qui puissent leur venir en aide le fassent. Depuis Kayanza, Patrick Nzengiva pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le cancer et l'obésité sont des maladies qui peuvent être causées par la consommation excessive de l'huile. Professeur Aloïse Nyongabo, expert en nutrition, fait savoir que la consommation de l'huile n'est pas du tout mauvaise, mais plutôt qu'une mauvaise conservation et la consommation abusive sont à éviter pour se prévenir contre des maladies cancérigènes au merdouaille. Dans la chronique nutrition précédente, on vous a parlé des sortes d'huiles, dont les huiles végétales et animales. Aujourd'hui, on vous parle de l'impact d'une consommation abusive de l'huile. Professeur Aloïse Nyongabo, expert nutritionniste, dit qu'il est normal de consommer de l'huile chaque fois que le consommateur n'a pas de problème hépatique. Toutes les catégories des huiles sont très bonnes. Par exemple, les huiles végétales, les huiles de tournesol, ce sont des qui vont structurer les cellules cérébrales. Ce sont ces huiles-là qui vont faciliter la fluidité membranaire, qui vont faciliter l'agrégation plaquettaire pour que le sang circule facilement. Mais comme les aliments sont complémentaires, ce sont eux qui sont à la base des différentes enzymes. L'expert indique qu'une mauvaise conservation et la consommation exagérée de l'huile sont à l'origine des maladies causées par la consommation des huiles. Il y a des maladies qui sont à la base de la consommation exagérée des huiles, aussi des huiles qui ne sont pas propres. Il y a des gens qui consomment des huiles anarchiquement. Ces huiles-là, quand ils sont mal conservés, mais sont consommés excessivement, ils peuvent être à la base des maladies métaboliques. Professeur Aloïse Nyongabo signale que l'obésité et le cancer sont parmi les maladies qui attaquent une personne qui consomme l'huile abusivement. Comme les obésités, et les obésités peuvent être aussi à la base des diabètes et aussi des hypertensions, et peuvent même être à la base des maladies cancérigènes, comme quelquefois des tumeurs du cancer, à cause de la mauvaise préparation de ces différentes huiles par la mauvaise cuisson. La consommation des aliments antioxydants, comme le citron, intervient les maladies causées par une consommation exagérée des huiles, indique le nutritionniste. On peut prévenir ces différentes maladies par l'avant de la cuisson, donc connaissant la composition chimique de ces différentes huiles, connaître à peu près la température qu'il faut utiliser. Secondo, il faut une bonne conservation, surtout les huiles se conservent dans l'abri de la lumière. Troisièmement, il y a des aliments, des antioxydants. Quand il y a la formation des plaques au niveau des parois vasculaires, ces plaques peuvent être métabolisées pour les faire retourner au niveau du foie pour le retour pour être métabolisées. Et ces aliments, surtout, on peut les trouver dans les fruits rouges et jaunes, comme les papayes, les mangues, les carottes, nos cuites, l'huile de Parme, qui est très riche en antioxydants, la vitamine E. Il y a aussi le citron qui contient aussi la vitamine C, qui est un antioxydant très fort. Aloïse Nyongabo, expert nutritionniste, interpelle tout consommateur de l'huile à demander conseil à son médecin avant de se priver de la consommation, surtout en cas de prise de médicaments. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Eli Kadog pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Ornella Mouche.